Attention, je vais pas mentir, j'ai grandi dans les, plus ou moins dans un univers d'écologie. Moi, je suis de la génération du trou dans la couche d'ozone. On était concernés, on était terrorisés, hein, toute ma jeunesse avec mes frères et sœurs, parce qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone, et qui s'élargissait à la vitesse d'un cheval au galop. Donc, moi, tous les soirs, maman, il est où le cheval? On allait tous cramer. Hein, et donc, alors bon, après, tu sais, avec le temps, bon... Tu cherches du boulot, tu passes à autre chose. Et l'autre jour, je tombe sur le spécialiste du trou dans la couche d'ozone. Enfin, j'avais oublié, tu vois. Mais je l'ai reconnu, le gars. Bon, il était à la retraite, il était vieux. J'ai dit, alors monsieur, au fait, on est où le trou dans la couche d'ozone? Alors il m'a dit, oui, le service a été fermé. Faute de budget. Merde. Mais le trou en lui-même... Ben non, il aurait été recousu par des Chinois. Non, mais les jeunes, ils en ont plus rien à foutre du trou dans la couche d'ozone. Je vois avec mes enfants, ils s'en foutent. Ils en ont plus rien à foutre. Maintenant, c'est Fukushima, la centrale nucléaire japonaise. Ça fait peur. Il y a un mécano, bon, qui n'a pas fait les niveaux, on ne sait pas si c'est passé. Hein. Joint de culasse, et là, la centrale s'enfonce dans le sol. À la vitesse d'un cheval au galop. Ah, c'est le même, il est revenu. Bon, ah, il est vieux, mais il trace, attention. Non, il est en train de traverser la Terre. Ça devrait ressortir normalement entre Genève et Lyon. Donc, il y aura un trou dans la planète. Hein. Donc, dans la galaxie, c'est comme un ballon. Hein. Donc là, il faudra clouer les meubles, hein, certainement. C'est n'importe quoi. Je raconte absolument n'importe quoi.